habits. Je ne sais si c'était des femmes ou des anges, leur manteau m'inondait avec leurs belles franges de nacre et de rubis. Comme on brise une armure au tranchant d'une lame, comme un hardi marin brise le golfe bleu qui se fend sous sa rame, ainsi leur robe d'or en grand sillon de flamme brisait la nuit des reins. Ils volaient mon rideau, vieux spectre en sentinelle, les regardaient passer dans leurs yeux de velours, éclataient leurs prunelles. J'entendais chuchoter les plumes de leurs ailes qui venaient me froisser. Ils volaient, mais la troupe au lambris suspendu, esprit capricieux, brandissait tout à coup, puis tout à coup perdu, s'enfuyait dans la nuit comme une flèche ardue qui s'enfuit dans les cieux. Ils volaient, je voyais leurs noires chevelures où les bennes en ruisseaux pleuraient me caresser de sa longue frôlure, pendant que d'un baiser je sentais la brûlure jusqu'au fond de mes os. De belles nuits, le ciel nous est avare autant que de beaux jours. Entendez-vous gémir l'harpe de Ferrare et sous des doigts divins palpiter la guitare? Venez, ô mes amours. J'entends des chants hurler comme un enfant qu'on tue, et la lune en croissant